Début et fin d'une forme ou cycle. Pour l'homme, il est essentiel qu'il puisse reconnaître le début et la fin d'une forme, que cette forme soit au niveau du couple, du travail, de la maladie. Il est important qu'une personne puisse se situer dans ce qu'elle vit en lien avec la finalité d'une forme. Mais aussi, il faut remarquer que le début d'une forme est très important puisqu'il s'agit d'avoir la lenteur qu'il se doit pour entrer dans celle-ci et non de se précipiter dans la forme. C'est donc dire, si vous êtes dans une vie de couple qui débute, prenez le temps d'évaluer avec le temps la sensibilité de l'autre pour vous rapprocher de votre propre sensibilité et ainsi concevoir peut-être un couple à venir qui prendra forme. Bien souvent, en tant qu'ego, on se précipite nonchalamment dans une forme et on oublie que le travail de l'ego et de la conscience n'est pas de voir dans une forme ce qui se présente à soi comme étant un absolu, mais de voir que la forme qu'on nous présente peut très bien ne pas nous convenir au bout de quelques semaines. Lorsqu'il s'agit d'une maladie, on peut appliquer le même scénario, soit que le début de la maladie est un signal pour entreprendre chez soi un regard plus affirmé sur les conditions dans lesquelles on vit sa propre vie et voir quel est l'exercice de la maladie qui heurte soit notre conscience, notre ego, ou qui nous fera cheminer dans la compréhension absolue de son identité face à ce que veut dire la maladie pour une personne qui est dans la conscience. Au niveau du travail, c'est la même chose. Il faut toujours être présent dans la réalité que le travail que l'on fait doit nous amener dans une forme plus grande de compréhension de ce que l'on peut être face à la vie. Le début et la fin d'une forme ou d'un cycle, par exemple, puisque celui de l'évolution a débuté avec la descente de l'individu ou de l'âme dans la matière, fait en sorte que cette forme de l'évolution prendra fin à un certain moment donné. Cette forme, nous la voyons déjà dans sa finalité avec certains événements dans le monde qui vont déstabiliser davantage l'ego et la société. Donc, puisque l'évolution aura permis à l'âme de se développer dans la matière, elle doit finaliser cette âme avec l'esprit, puisque l'ego n'a pas le choix de devenir omniscient ou conscient de ce qui s'en vient. L'évolution, c'est un peu l'ignorance de tout. Si vous regardez ce qui se passe partout dans le monde avec la crainte qui a été installée très largement au niveau de toutes les sociétés du monde, avec le COVID-19, il y a davantage dans l'individu une quête pour certains, selon la sensibilité, de obtenir des réponses afin de mieux comprendre ce qui viendra par la suite. Il y a aussi, dans certaines régions du monde, la nécessité de voir que le climat qui change les données de la Terre en lien avec la possibilité un jour d'avoir à quitter une région devient de plus en plus importante. Nous constatons que les feux en Californie représentent déjà un indice qu'il y a des zones habitées qui auront beaucoup de difficultés dans les années à venir à être des endroits stables pour le développement d'une conscience ou d'une personne. Mais bien entendu, la fin d'une forme doit venir avec la puissance de l'ego d'agir au niveau de sa volonté à faire élargir en lui l'intelligence de reconnaître ce qui se passe. Présentement, nous assistons à l'éclatement des formes. Si vous regardez très précisément comment la démocratie est malmenée dans le monde, et bien que les États-Unis représentent une très grande force de définition au niveau de cette démocratie, on peut voir que celle-ci est largement polarisée entre la gauche et la droite. Donc, est-ce qu'on assiste aussi à une fin de la démocratie, comme nous assistons aussi à la fin des religions dans le monde? Voilà une question très importante, puisque la fin des religions dans le monde correspondra éventuellement avec la venue probable de forces extraterrestres sur la Terre pour briser dans l'ego la naïveté qu'il a depuis l'involution face à l'occulte. Puisque l'homme aussi a fondé son espoir dans la démocratie, nous constatons aujourd'hui que la gauche et la droite n'ont que très peu de différence dans la réalité de vouloir gouverner un pays, puisqu'il s'agit bien d'intelligence qui doit venir un jour présente sur la conscience des continents, afin que s'élève la volonté de l'homme à ne pas être chevauché par l'astral dans les décisions politiques à venir. Donc, dans les prochains mois, nous assisterons donc à la surenchère de volonté artificielle venant soit de la gauche ou de la droite aux États-Unis pour établir la démocratie que l'on cherche à établir. Mais il y a bien entendu la réalité suivante, que la démocratie est à la fin de son mouvement. Non pas que les individus n'auront pas à manifester leur identité ou leur volonté, mais on constate que la fin de la forme de la démocratie devra laisser place à une intelligence absolue dans la conscience des gouvernements pour que s'élève l'individu à une plus grande gestion de ce qui s'en viendra. Donc, il y a beaucoup de polarité dans cette démocratie américaine et il s'agit pour l'individu de constater que les forces de la lumière agiront selon la puissance d'agir sur la forme afin que l'individu ne soit pas amené à davantage de noirceur pour les années à venir. Cela veut dire que la construction de l'évolution sur la Terre est en direct lien avec la puissance des forces de la lumière d'agir. Si vous remarquez dans les années passées que la lumière n'a très peu agi, elle laisse les gouvernements fonctionner à l'intérieur de la puissance littère qu'ils se donnent pour influencer les décisions politiques de la Terre. La Chine a beau être une puissance économique, cela ne veut pas dire qu'elle aura la volonté d'agir avec conscience et intelligence sur le devenir de la Terre. Qu'est-ce qui marquera l'évolution? L'évolution sera marquée par trois grands événements, c'est-à-dire que l'ego ne pourra plus se réfugier dans la crainte. Également, l'ego devra reconnaître de l'intelligence instantanément. Et troisièmement, il y aura aussi dans l'ego cette constante vibration d'être en lien avec les plans de la lumière pour reconnaître quelle est la puissance d'agir de cette lumière sur la Terre. Il y aura donc des régions du monde habitées qui ne pourront plus l'être dans les années à venir. Et si l'individu n'est pas dans la finalité d'une forme, il est donc prisonnier de la forme, il doit voir ce qui est l'autorité absolue de sa puissance à lui à reconnaître là où il aura à habiter. Si vous remarquez, depuis le coronavirus, les gens ont tendance à vouloir quitter la ville, car la ville ou les régions urbaines sont beaucoup trop habitées et plus difficiles à vivre en tant qu'égaux. Donc, nous assisterons aussi dans les années à venir à davantage d'individus qui se poseront des questions. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura énormément de personnes qui se poseront des questions et qu'ils seront en mesure de non pas de se polariser dans leur conscience et de voir que la démocratie actuelle n'a pas la puissance d'agir sur la société. Car nous assistons encore à une guerre entre la Chine, la Russie et les États-Unis et quelque peu l'Union européenne qui tente de prendre sa place. Mais nous voyons que la démocratie aujourd'hui est un jeu polarisé puisque les égaux qui l'amènent, cette démocratie-là, n'ont pas l'assurance ou la volonté aussi d'agir d'un point de vue simplement intelligent. Il y a beaucoup de sphères d'influence et les gens sont énormément influencés par des volontés ou des désirs qui leur sont propres. Alors qu'en fait, lorsque l'évolution sera mise en place et que la puissance d'agir des forces de la lumière pour mettre fin au cycle de l'évolution seront mises à la disposition de l'homme, nous constaterons alors qu'il y a très peu de marge de manœuvre. Donc, c'est donc dire que lorsque les royaumes dans le passé avaient à leur tête des rois qui ne tenaient pas compte de la population, ceux-ci ont été renversés et nous avons assisté à l'émergence de la démocratie pour que les gens soient beaucoup plus égalitaires ou que la société soit plus égalitaire. Mais nous constatons aujourd'hui que les hommes qui sont super riches sur la planète Terre ont ce pouvoir féodal de mener à bien leur combat sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Dans les années à venir, les compagnies pharmaceutiques auront le beau rôle, puisque si le coronavirus est une crainte installée dans le mental de l'individu, cela veut dire qu'ils auront totale autorité sur la santé des individus. Alors que nous constatons que la fin de la médecine est un cycle en soi aussi, où l'individu doit prendre conscience que son système immunitaire est la plus grande protection pour sa santé. C'est donc dire que si l'on regarde le coronavirus, on remarque que le système immunitaire de la plupart des personnes qui sont décédées était déficient de quelque façon que ce soit. Et nous constatons aussi, avec les recherches qui se font, qu'il y a la vitamine D qui peut équilibrer davantage et faire acte de bouclier contre le coronavirus. Cela veut dire ceci. C'est que nous assistons dans le début de la crainte des virus qui viendront à une puissance d'agir qui est très faible, puisque la puissance d'agir doit venir de la puissance de la lumière dans l'homme à lui dire exactement ce qui se passe. Ce qui se passe sur la Terre, c'est ceci. Nous avons un grand besoin urgent de conscience et d'intelligence pour mettre un terme à l'évolution. Mais cela se fera individuellement et c'est pour cela que ce sera à l'individu de voir ce qui se passe et non à la société de lui dire que le vaccin à venir permettra de sauver des vies. Lorsque l'individu est dans l'illusion qu'on peut sauver des vies ou qu'on peut d'une façon ou d'une autre aider l'homme, cela veut dire que la personne attend de la société quelque chose. Alors que la volonté d'agir d'une personne et sa puissance d'agir revient essentiellement à reconnaître pourquoi est-ce que le coronavirus crée tant de craintes et pourquoi cela dicte de toutes les façons qu'il se doit une autorité intermédiaire sur la conscience d'un individu qui s'appelle la crainte. Puisque les gens ont tellement peur d'avoir à participer d'une façon ou d'une autre à une société beaucoup plus sciente, il va de soi qu'il est plus facile de dire que la démocratie ou que la gauche ou la droite permettra un triomphe sur les libertés de l'homme. Et les libertés de l'homme sont celles-ci, sont 1. Être capable, dans sa conscience, de se renouveler sans cesse face à une forme. Puisque la forme qu'on présente à l'individu est toujours une manipulation des forces astrales. C'est-à-dire que la crainte vient des forces astrales et elle manipule énormément l'individu. Dans le dernier enregistrement, je parlais de l'Antichrist mondial et c'est une forme, présentement, qui n'est pas matérialisée dans la matière en tant que personnage. Mais est-ce que cela peut devenir un personnage, l'Antichrist mondial? La réalité est fort possible dans les 10-15 prochaines années, mais pas pour l'instant, car l'individu est encore dans l'espérance d'une société meilleure et que les gouvernements pourront agir afin d'amener dans la société cette société que l'on attend depuis des âges et que l'espoir de la démocratie fera naître de plus grandes libertés sur la Terre. Cela ne fonctionne pas de cette façon, puisqu'une société criminelle quelle qu'elle soit, au niveau de tout pays dans le monde, doit être éliminée de la Terre. Incidemment, si nous avons de la criminalité et nous n'avons pas la puissance d'agir sur cette criminalité-là, celle-ci fera en sorte que la société sera moins belle dans laquelle on vit. Si on prend le Mexique, où les cartels de la drogue sèment la terreur et que les gouvernements ne puissent pas agir correctement, nous comprenons que le Mexique a de sérieux problèmes. Tout comme la Russie, où on peut percevoir la puissance féodale de l'institution gouvernementale avec le président Poutine qui sera au pouvoir encore pour plusieurs années. Et si nous allons juste un peu plus au sud, la Chine, elle, qui revendique sur Hong Kong son droit absolu d'autorité, alors que Hong Kong, nous le savons très bien, veut mettre fin aux communistes d'une façon quelconque. Et puisque la démocratie est polarisée, elle ne peut pas non plus faire le procès de la Chine ou faire le procès de la Russie, car elle a trop de problèmes dans son propre pays, ses démocraties, pour amener une puissance d'agir qui permettrait d'éliminer totalement les inégalités à l'intérieur de la propre société démocratique. C'est donc dans une impuissance d'une fin de cycle que nous assistons à des grands remous et que le climat aussi apportera son lot de conditions éprouvantes, puisqu'il est assuré que tout sera utilisé à la fin du cycle présent pour marquer sur la Terre la fin de la récréation, c'est-à-dire là où l'ego pensait qu'il pouvait agir sans être intelligent. Et c'est pour cela que toute forme, qu'il s'agisse d'un couple, a un début et une fin. Si vous n'avez pas dans un couple la stabilité émotive nécessaire pour vous reconstruire une identité propre, il faut le reconnaître dès le départ. Car quand dans un couple, il n'y a pas au départ une suffisance de paix, cela veut dire qu'il y a un karma à épurer. Et dès le départ, on doit voir si on est volontairement dans une puissance d'agir sur le karma qu'on aura à vivre. Car le début d'une forme n'est jamais une autorité absolue sur la forme. C'est simplement la descente progressive des impuissances que nous aurons à vivre en lien avec la forme, car la vie est un processus d'évolution constant qui ne peut être arrêté. La fin d'une forme vient donc à l'intérieur de n'importe quoi, le couple, le travail ou la maladie, c'est-à-dire que si vous avez de la crainte ou de la gêne dans un couple, dans un travail ou dans une quelconque réalité, cela suffit simplement à établir que vous êtes en mesure un jour peut-être de dépasser votre karma face à la forme, ou sinon la fin de la forme sera ou aura à être vive dans une autre vie. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui peuvent avoir dans leur identité humaine la volonté d'agir dans le but d'aider l'homme ou simplement de lui venir en aide. Parce que on veut toujours, en tant qu'âme, aider son prochain, alors qu'en tant qu'esprit, il ne s'agit pas d'aider personne, il s'agit simplement de se libérer de ses propres formes, c'est-à-dire karmiques, qui nous retiennent à l'impression ou à l'illusion que l'on doit aider quelqu'un ou que l'on peut aider quelqu'un. La démocratie actuelle a cette capacité de penser qu'elle peut aider l'homme, alors qu'en fait, elle n'est qu'une représentation farfelue de la dimension des individus à ne pas être scient de l'invisible et de la nature de l'invisible sur leur réalité. Puisqu'un ego polarisé, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un ego qui n'a aucune capacité de reconnaissance de la forme. C'est un ego qui valse entre le négatif et le positif sans jamais intégrer les énergies positives et négatives d'une forme. Puisque l'énergie positive d'une forme, c'est celle de la dompter, et l'énergie négative, c'est celle de vous ramener à l'impuissance de votre ego face à une réalité. Donc, si vous êtes impuissant à mettre fin à un couple parce que vous ne voyez pas que c'est la fin de la forme qui vous rendra votre liberté, vous êtes alors dans l'attente d'une volonté extérieure d'agir et la puissance d'agir n'est pas descendue alors en vous pour mettre fin à la forme. Le début d'une forme n'est jamais un problème, puisque c'est l'âme bien souvent qui vibre à la forme et qui nous amènera tôt ou tard à intégrer le processus de la programmation ou d'épuration dans lequel on doit vivre une réalité. Est-ce qu'il y a toujours dans une forme un segment évolutif? Cela est réel. Le segment évolutif peut venir à la fin d'une forme après que vous ayez compris complètement celle-ci. C'est-à-dire que si vous avez un travail et que après 6 ou 7 mois, vous n'êtes plus en mesure de supporter l'inconscience qu'il y a dans son travail, cela veut dire que vous devez aussi avoir la puissance de ne pas avoir de crainte pour avoir l'autorité absolue de partir. C'est donc dire que dans toute forme, il y a au départ un agenda caché, et cet agenda caché peut très bien vous remettre en face les impuissances que vous avez par rapport à la vie. La démocratie montre très bien que la volonté de remettre dans les mains du peuple une liberté individuelle était un segment intelligent. Mais lorsque l'individu n'est pas en mesure de comprendre la psychologie qu'il habite, pourquoi donc cette psychologie qu'il habite deviendrait-elle, après coup, une puissance d'agir sur la société et sur sa vie? Cela est impossible, car l'homme, quand il a une puissance d'agir sur un ego qui n'a aucune compréhension de la forme, c'est-à-dire que l'invisible a toujours le pouvoir de présenter dans une forme des impuissances, mais aussi des actes de volonté que l'individu doit saisir afin de mettre fin à la forme. C'est donc dire que si j'habitais en Californie, je déménagerais aussitôt, car les années à venir démontreront qu'il y aura des régions du monde qui ne pourront pas passer à travers ce qui vient. Et puisque le climat sera très actif au niveau des tempêtes tropicales, des ouragans qui frapperont les côtes américaines, et que le niveau de l'eau de la mer montera partout dans le monde, et des océans, cela veut dire qu'il y a des endroits qui ne seront pas protégés. Donc, le début du cycle présent, c'est celui-ci. C'est la destruction totale de l'évolution de l'homme et c'est la destruction totale de l'incapacité de l'individu à voir qu'une société qui ne répond pas à des critères absolus d'autorité, de beauté et d'ordre, cela veut nécessairement dire que cette société n'ira nulle part. Si vous regardez la société américaine, cette société a une démocratie qui a commencé avec l'établissement des pertes de la Confédération en 1776 et qu'elle aura ensuite permis une construction progressive de l'identité du peuple américain à travers la réalité de l'égalité de la femme et de l'homme. Mais on ne voit pas nécessairement cette égalité-là en société à tous les jours, mais du moins, on peut assister à la réalité que la femme a les droits d'aller à l'université, de s'instruire, ce qui est contraire bien souvent à certains pays du monde dans lesquels la femme n'a pas ces mêmes droits. Donc, la démocratie aura donc servi cela à faire amener dans le monde la puissance d'agir pour l'égalité de l'homme et de la femme. Donc, une société démocratique aura donc eu un avantage précieux à faire respecter des droits individuels qui auront ainsi élevé la puissance d'une personne à reconnaître sa propre identité en lien avec la société. Alors que l'individu est beaucoup plus individuelle aux États-Unis, on peut savoir que dans un pays communiste, les individus sont davantage collectifs, à moins que ces individus un jour reconnaissent qu'ils doivent quitter des endroits du monde qui les amènent à réfléchir d'un point de vue collectif. La religion a eu aussi cette grande puissance d'agir sur l'ego d'une personne en l'amenant à croire que l'invisible était beaucoup plus grand. Donc, nous sommes à la fin de ce cycle de la naïveté de l'homme à l'égard de l'invisible, et c'est pour ça aussi qu'il faut se poser la question, quelle sera la présence des États-Unis dans les années à venir pour contrer l'absence d'intelligence sur la planète, car il y aura toujours eu sur la Terre une puissance d'agir au niveau d'un gouvernement afin d'amener un certain ordre planétaire. Il y a eu dans le passé des grandes sociétés qui ont fait avancer la matière en la raffinant. Ce dont nous voyons, c'est que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis auront participé à la fin d'une certaine domination de l'Europe sur le monde, et qu'à la Deuxième Guerre mondiale, avec Pearl Harbor, les Américains ont eu aussi à entrer en guerre afin de ramener le Japon à l'ordre et, d'une certaine manière, de remettre sur la map planétaire la volonté d'agir d'une société démocratique qui voulait non pas la guerre, mais protéger une certaine liberté, soit nécessairement l'égalité des hommes et des femmes. Le peuple américain s'est développé dans cette démocratie, donc entre la gauche et la droite, et avec le temps, nous pouvons voir que ni la gauche ni la droite ne peut suffire à amener une puissance d'agir qui fera en sorte que l'individu sera totalement respecté et amené à connaître la vie. C'est donc pour ça que la fin de la démocratie est sur le point de se terminer, puisque ce mouvement sera remplacé par une conscience absolue de l'homme dans les années à venir, à comprendre les interfaces de l'astral et aussi à comprendre les interfaces d'un cycle. C'est-à-dire que le cycle de l'évolution aura permis à l'âme de se développer, alors que le cycle de l'évolution permettra à l'ego dans l'homme d'être habité d'un esprit qui lui permettra, pour la première fois, d'avoir une volonté d'agir qui ne sera jamais astralisable, donc jamais polarisée par aucune force. Et quand on regarde ce qui polarise la société, c'est la crainte. Donc, si vous présentez une crainte à un ego, il prendra un positionnement X ou Y face à la crainte et essaiera ensuite de convaincre la société, s'il est médecin, qu'il a l'avantage de savoir scientifiquement ce qui est bon pour la société. Nous le savons tous, si nous sommes dans la conscience supramentale, que l'autorité absolue de l'homme viendra de sa guerre. Qu'est-ce que cette guerre? Cette guerre, c'est contre les forces, c'est contre l'astral, c'est contre la bêtise. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dans votre conscience la puissance de confronter le mensonge cosmique, ce mensonge, c'est-à-dire qu'il vient de la proximité de l'astral sur une vie, ceci fait en sorte que vous ne pourrez jamais vous réinventer et mettre fin à une forme d'une façon totalement intelligente. Car les forces de la lumière ont toujours utilisé la puissance d'agir de l'astral pour faire vibrer dans l'homme son corps émotif. Et plus le corps émotif d'une personne vibre, plus cette personne sera amenée un jour à voir qu'elle est karmiquement liée à une forme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas la dépasser parce qu'elle vibre trop à la forme. Si vous êtes très émotif à la suite d'une rupture de couple, cela veut dire que vous êtes non pas en mesure d'agir sur votre vie, mais que vous êtes dans l'incapacité de voir qu'il y a de la manipulation dans votre tête, puisque la manipulation d'une forme vient toujours de l'incompréhension de soi-même face à ce qu'on a à vivre dans une programmation d'âme, c'est-à-dire que toute personne aura à vivre des expériences et aura à les dépasser si elle veut un jour être dans l'autorité absolue d'agir, dans cette puissance de la guerre, de mettre fin à une forme. Puisque l'énergie négative que l'homme possède pour mettre fin à une forme est beaucoup plus grande que l'énergie positive. L'énergie positive sert énormément au début de la forme, puisque nous voulons concevoir que ce que nous allons vivre a une certaine réalité de paix et de beauté. Mais plus nous avançons vers la fin d'une forme, nous réalisons qu'il y a de moins en moins de beauté dans la forme et de paix. Et c'est pour cela que la guerre de trancher doit venir de l'individu, de pouvoir être dans sa puissance, d'agir sans que son ego soit polarisé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait l'étude parfaite d'une forme, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes rendu dans la forme. En parallèle, si je prends les États-Unis et je regarde présentement la sphère politique entre Biden et Donald Trump qui se dessine, il y a beaucoup plus d'énergie négative dans la volonté de Trump d'agir sur une société. Est-ce qu'il veut vraiment simplement agir pour le bien de la société? C'est possiblement la réalité prenante de toute personne qui sera mise à la tête d'un gouvernement de vouloir faire avancer la société. Mais si une conscience est polarisée, cela ne veut pas dire que la société ira où là elle le veut. Si l'on regarde la force positive de Barack Obama, de vouloir faire de la société américaine un « yes we can », c'est-à-dire « oui, on le peut », une société meilleure, nous remarquons qu'il n'a pas été capable de livrer la marchandise puisqu'il s'agit de démocratie. Nous ne sommes pas encore dans l'intelligence d'agir. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui agit sera placé dans le futur par les forces de la lumière pour préserver la volonté de l'homme à ne pas se détruire. C'est donc dire qu'il est fort possible que l'homme puisse en arriver aussi dans les années à venir, dans un ego totalement polarisé, à des guerres au niveau international, économique ou politique ou même physique. C'est-à-dire que la Chine ne cédera pas le pas et la Russie non plus, et le positionnement de l'Union européenne ne sera jamais assez grand puisqu'il sera toujours livré à une certaine division. Donc, il s'agit de voir que l'ego de l'homme n'est pas assez évolué pour mettre fin au cycle présent de la démocratie et il y aura des événements qui marqueront cette fin de la forme de la démocratie puisque les gouvernements ne pourront pas agir et il n'y aura pas suffisamment d'intelligence dans l'individu. C'est donc dire que l'homme peut être utilisé, par contre, par les forces de la lumière afin qu'il y ait sur la Terre un certain ordre. C'est donc dire qu'il est fort probable que la puissance économique d'un pays soit maintenue afin qu'on puisse supporter l'individu dans une certaine compréhension de ce qui doit se passer, soit que les forces économiques mondiales s'écrouleront possiblement tous en même temps. Et c'est à ce moment que la société dans laquelle il y aura le plus d'égalité sera mise de l'avant afin de faire reconnaître encore les impuissances de l'ego à un autre niveau. Et si nous assistons à la fin d'un cycle involutif qui a duré plusieurs milliers d'années, nous verrons que les forces de frappe d'énergie négative sur la Terre seront très grandes afin de diminuer la population mondiale. Cette population mondiale est ce qui représente le karma de la Terre. C'est donc dire que le karma doit être épuré de sa forme afin que l'élévation des gouvernements soit au-delà du discours polarisé de la démocratie, c'est-à-dire entre la gauche et la droite. C'est-à-dire qu'il faut donc remettre dans les mains de l'homme la puissance et la volonté d'agir qui lui revient. Et cela ne sera pas facile, mais la fin d'une forme, c'est cela. c'est la destruction progressive de l'identité égocentrique de l'homme afin que naisse en lui une identité totalement solaire. Mais il n'y aura pas beaucoup d'individus qui pourront assister à cette compréhension de la destruction de la forme d'une manière objective et la plupart des gens seront polarisés entre des réalités. Donc, si nous prenons le coronavirus et que nous regardons la possibilité de d'autres virus à venir sur la Terre, nous comprenons qu'un système immunitaire qui n'est pas pris en charge veut déjà dire qu'une personne est déficiente dans la gestion de sa santé et de la nourriture. Et cela va de soi puisque l'esprit qui chapeaute un ego doit devenir totalement sain aussi de ce qui entre dans son corps pour obtenir l'énergie nécessaire afin d'être en équilibre. Et nous sommes donc à la fin de toutes les formes. Et la maladie, bien qu'elle soit un début et une fin, représente aussi pour l'individu une capacité de se reconnaître. Si vous avez à combattre ou à travailler avec une maladie, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de combattre la maladie, mais il s'agit d'être au parfum de ce que la maladie vous fait vivre et ce que cela vient faire dans votre vie, afin que vous soyez au-dessus de la forme et non en dessous de la forme. Le début de la maladie représente bien souvent un rappel d'une réalité qui commence pour vous ajuster, et la fin de la maladie représente l'arrachement aux forces de la lumière d'une réalité beaucoup plus grande au niveau de son identité, parce que la maladie est le meilleur moyen pour les forces de la lumière d'épurer un ego en lien soit avec la crainte ou soit en lien avec l'autorité de la puissance d'agir qu'il doit avoir sur les plans pour ne pas s'assujettir à aucune forme d'autorité autre que sa lumière. C'est donc dire que lorsque l'homme entre dans un travail d'agenda qui est celui d'activer sur la terre, dans sa conscience, l'autorité de mener un combat total contre la crainte, il doit être cet ego dans la guerre. Et la crainte vient du mensonge cosmique, soit qu'elle ait été amenée dans la conscience de l'homme pour lui faire croire qu'il est un être mortel. Alors que l'individu n'est jamais mortel en soi. Il est un être de lumière vibrant qui doit chasser de sa conscience toute impossibilité de renaître. Donc, si vous êtes dans un couple et vous avez besoin de renaître, cela veut dire que vous devez faire cesser le couple ou prendre une pause temporaire pour que celui-ci soit reconstruit ou rebâti sur des bases beaucoup plus identitaires. Est-ce qu'on met fin à un karma facilement? La réponse est non. Un karma, qu'est-ce que c'est? C'est le lien énergétique et le lien de crainte qu'on a avec l'autre, qui fait en sorte que la crainte que nous vibrons à l'intérieur de son mental est ce qui nous garde dans l'impuissance d'agir. Alors que la puissance d'agir de l'homme dans la guerre fera reculer l'astral en lui. Et c'est pour cela que la démocratie, puisqu'elle n'a pas cette puissance d'agir, elle reste polarisée. Donc, ce qu'il faudra voir dans les années à venir, c'est comment l'homme aura-t-il la puissance d'agir pour établir que lorsque les gouvernements s'écrouleront l'un après l'autre, il y aura possiblement des individus qui auront à poser des questions qui seront très grandes pour remettre sur les rails la société. Et la société vivra son lot d'expériences, cela est certain. Et ces expériences, sans être alarmistes, feront partie du nettoyage de la crainte de l'ego à sa réalité absolue, qui est celle-ci, qu'il n'y a aucun maître au-dessus de lui et que l'homme ne peut pas se faire expliquer par la religion ce qui vient ou ce qui viendra, et que l'homme ne peut pas non plus être dans la philosophie d'espoir passé afin de faire renaître dans le futur une certaine compréhension de la vie. La compréhension de la vie que l'homme développera dans les années à venir sera son seul moyen de s'habiter et de voir que si on n'a pas l'autorité absolue de reconnaître qu'est-ce qu'une fin de cycle, on ne peut pas donc absorber le choc négatif de la destruction des formes de l'involution. Et la destruction des formes de l'évolution, il y en aura énormément dans les années à venir, et cela doit vous conduire à ceci, à évaluer le niveau de crainte qu'il y a dans votre mental. Et puisqu'il est possible pour l'homme de s'individualiser, c'est-à-dire de prendre conscience de la crainte qu'il a dans son mental, il lui est donc possible d'avoir accès à une volonté d'agir qui sera totalement intelligente un jour, afin que cette volonté d'agir devienne sa puissance d'agir, c'est-à-dire que la guerre de la puissance d'agir est ce qui fera tomber l'astral autour de vous. Toute conscience qui veut ou qui n'appartient pas dans les années à venir aux forces de l'évolution n'aura pas la mesure nécessaire de comprendre ce qui est dit. Et ce qui est dit, ce n'est pas un discours alarmiste, c'est une démonstration intégrale que la crainte sera utilisée pour faire plier les genoux de l'homme. Si vous regardez le coronavirus, il fait plier, il fait trembler l'humanité. Alors que dans les années 80, lorsque nous avions l'apparition du sida, ce virus tuait beaucoup plus de personnes en une année qu'il ne peut le faire présentement. Mais cela n'avait pas d'impact puisqu'il s'agissait de personnes marginales qui étaient tout simplement non pas reconnues par la société, alors qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'une personne qui est homosexuelle dans son identité n'a pas à s'assujettir à de la crainte, à penser qu'elle n'évolue pas. Elle évolue pareil parce qu'il n'y a pas de force, de définition, de polarité qui puisse définir une personne qui appartient à de la crainte. Les forces de définition pour une identité absolue dans l'homme viennent toujours de la lumière d'établir on est ce qu'on est et on ne vit aucune culpabilité ou aucun doute par rapport à ses intentions ou sa capacité de se définir. Une personne qui est dans un mouvement d'identité n'a pas à se polariser. Elle a simplement à savoir qu'une incarnation dans la matière, ça répond toujours à une programmation. Donc, une personne qui est divisée dans sa volonté à savoir là où doit aller sa vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas à être en couple si vous ne sentez pas le besoin d'être en couple, c'est donc dire que vous pouvez passer 20 ans de votre vie sans être en couple et cela ne doit pas diminuer votre puissance de savoir qui vous êtes. Puisqu'il n'y a rien dans l'évolution de l'individu qui va vous polariser pour vous dire « Ah, vous devez être en couple pour évoluer, vous devez changer de travail pour évoluer, ah, la maladie va vous faire évoluer. » Cela n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est simplement de reconnaître que la puissance d'agir sur la forme vient toujours de l'intégration de l'individu de ses propres craintes. Plus vous intégrez ce que vous craignez, plus vous deviendrez en autorité d'agir. Et la démocratie doit se terminer et elle se terminera avec la destruction des formes et la destruction aussi des illusions de l'homme à penser que l'argent pourra mener le monde dans le futur, alors que ce seront les décisions politiques de gouvernement qui se seront réunies autour d'une même table afin d'établir un consensus absolu. C'est que si nous ne travaillons pas contre la pauvreté dans le monde, l'ignorance fera que résister et l'homme ne pourra pas non plus se réinventer. Évidemment, il y a des sociétés ou des peuples qui disparaîtront ou il y a des peuples qui seront en puissance dans les années à venir selon le discours qu'ils amèneront. Nous ne pouvons plus asseoir aucune conscience en devenir sur la volonté d'un peuple de ramener le passé. C'est donc dire que le peuple qui sera le moins polarisé sera le peuple qui sera en mesure de voir que la fin d'une forme, la fin d'un cycle est une réalité absolue pour la lumière, parce que c'est cela qui place la vibration de la Terre pour que celle-ci ne soit pas assujettie à des forces astrales plus puissantes. C'est donc dire que la fin de l'évolution, marquée par la descente de la fusion dans l'homme, a fait reculer en quelque sorte la noirceur. Et c'est pour cela que cette noirceur sera dans un inutile combat et qu'elle ne reculera rien devant rien dans les années à venir pour malmener l'homme, parce qu'elle sait très bien, la noirceur, que l'homme, dans une puissance de définir le réel, peut aussi faire reculer la noirceur. C'est-à-dire, si vous êtes en mesure d'accepter le discours de la conscience supramentale comme étant une libération de l'ego de la crainte, vous avez compris le travail qui s'en vient. C'est-à-dire que la conscience est une réalité qui chapeautera les gouvernements bien avant la puissance des gouvernements de penser qu'ils peuvent agir. C'est donc dire que lorsque les forces de la lumière briseront l'ego de la Terre, ils briseront dans l'homme son orgueil, c'est-à-dire sa volonté illusoire de pouvoir aider l'homme et sa volonté illusoire de croire que les forces financières de la planète doivent être maintenues pour garder la puissance économique mondiale en équilibre. La puissance économique mondiale ne sera pas en équilibre dans les années à venir, et les individus qui sont autant riches que pauvres auront tout à se réinventer à un moment donné. C'est donc dire qu'une personne qui ne pourra pas se réinventer et se sortir du discours de la démocratie polarisée gauche ou droite ne verra pas qu'il y a dans son ego de la crainte, et elle ne pourra pas être en mesure de s'auto-instruire de l'agenda de la guerre qui doit naître en elle pour qu'elle cesse d'avoir de la naïveté, puisque l'involution est la fin de la naïveté dans l'homme, alors que l'évolution est le début de la puissance de l'homme d'agir dans la guerre afin qu'il ne se fasse plus chier par la vie et qu'il soit dans une autorité absolue envers les plans invisibles pour toujours savoir ce qui se passe dans sa vie, toujours savoir ce qui viendra, parce que ce qui viendra frappera énormément la Terre. Donc, sur ce, je vous laisse en vous disant qu'éventuellement, dans le prochain mois à venir, je ferai des conférences à l'intérieur du mouvement Zoom pour permettre aux Européens de participer à ces conférences. Donc, il y aura l'adresse Internet qui sera émise dans un prochain enregistrement pour vous permettre de prendre conscience que je veux amener dans le monde un nouveau mouvement. Ce sera le début d'une forme, puisque cette forme sera manifestée sur l'Internet et en direct afin de permettre l'instauration d'une compréhension que l'homme ne peut pas rester seul et que l'homme n'a pas à rester seul, car il y a dans la générosité de l'homme la capacité de faire circuler l'information, et l'homme conscient sait très bien que les gouvernements ne la feront pas circuler, cette information, puisqu'il s'agit bel et bien de la fin de l'évolution et que tout retranchement de l'homme sera pour le besoin de protéger ses craintes. Et l'homme conscient voudra, au contraire, dévoiler ses craintes, soit celles que l'homme craint depuis toujours, c'est-à-dire qu'il y a énormément dans la conscience de l'homme la crainte de la mort, la crainte de la fin de la vie sur la Terre, alors que celle-ci ne fait que débuter. Elle ne fait que débuter parce que l'homme est de plus en plus conscient qu'on lui a rendu dans sa conscience l'impression qu'il n'a pas la capacité lui-même d'agir et de s'instruire de ce qui se passe dans le monde. C'est donc dire que l'homme, dans une fin de forme, est en mesure de voir clairement que si lui n'agit pas sur la forme, Il n'y a personne qui pourra agir dans sa conscience et le laisser, lui, être au-devant de la forme. Donc, lorsque je regarde ce qui se passe dans le monde, je suis en capacité de voir qu'il y aura de plus en plus de paroles, puisqu'il y a le besoin de raisonner ou de faire vibrer l'ego à la réalité vibratoire, que ce qui s'en vient est nécessaire. Et si vous craignez ce qui s'en vient, cela veut dire qu'il est bon pour vous d'entendre le discours, puisque vous êtes donc polarisé dans votre mental. Et en étant polarisé, ceci ne vous permet pas, à ce moment, de déconstruire dans votre ego ce qui amène la crainte. C'est pour cela que l'endoctrinement de l'homme est très grand et que l'homme n'a pas la fonctionnalité vibratoire évolutive d'avoir dans son mental la capacité d'absorber l'énergie négative et de la transformer dans les gants de boxe de son utérité à une force de puissance de compréhension. Comment donc se préparer psychiquement à l'avenir? Il faut que l'homme puisse voir que l'astral ne reculera devant rien. C'est-à-dire que vous devez avoir l'autorité d'amener dans le monde votre puissance d'agir continuellement. L'involution est une puissance d'agir de l'invisible sur la vie de l'homme, alors que l'évolution est la puissance de l'homme d'agir sur l'invisible. Si vous n'êtes pas dans une guerre absolue pour dénoncer le mensonge et découvrir le réel, vous n'aurez pas la capacité d'abattre les attaques astrales contre vous et de voir qu'on voudra vous manipuler, que ce soit dans un couple, au travail ou dans la maladie, pour éteindre votre identité. Et cette identité est votre plus grande protection contre la fin d'une forme, puisque lorsqu'on a de l'identité, on sait pourquoi on finit une forme. Et on ne connaît peut-être pas ce qui viendra par la suite, mais ce que l'on cherche à établir dans la fin d'une forme ou dans la fin d'un travail, c'est la paix que l'on veut avoir. Et bien entendu, l'autorité pour mettre fin à une forme ne vient pas uniquement de votre capacité de comprendre la forme, mais elle vient aussi de la capacité d'agir, c'est-à-dire que vous savez qu'on peut vous manipuler pour vous éteindre. Et dans la guerre, d'établir que ce que vous déterminez ou ce que vous ne voulez plus vivre, c'est ceci qui fait en sorte qu'une fin de forme se place. Et si on regarde la fin de forme de la démocratie, elle voudra la démocratie aider l'homme et les gouvernements voudront, par exemple, une société où l'État agit énormément pour soutenir financièrement ce qui se passe. Alors que la puissance de l'État doit venir de sa capacité à instruire l'individu dans le futur des forces négatives qui agissent sur une conscience afin que la psychologie de l'homme soit davantage en équilibre. Donc, toute autorité malveillante venant d'une forme a pour objectif d'éliminer dans votre conscience la capacité de reconnaître l'autorité que vous aurez à arracher pour mettre votre vie au-dessus de la forme. La fin de l'involution est nécessaire et elle durera encore pour au moins 20 à 30 ans. Les forces de la lumière ont la puissance d'agir en tout temps sur la Terre, alors que les forces de la noirceur, elle tente d'influer la conscience humaine par la crainte ou par des forces de destruction négative de l'identité de l'homme, alors qu'en fait, la puissance de la lumière à agir est incontournable et elle le sera sur la Terre pour finaliser l'évolution parce que les gouvernements n'auront pas la capacité de contrer ces forces astrales très grandes qui viendront. Et cela peut apparaître comme une forme matérialisée à travers un personnage qui séduira les grandes foules, mais qui ne trompera pas l'homme conscient parce que lui saura que la fin de l'involution est à son dernier recours lorsque cette personne apparaîtra, si elle a à apparaître.